Conte de fées en français. À l'est du soleil et à l'ouest de la lune, il était une fois un pauvre paysan qui vivait avec sa femme et ses deux filles dans une petite hutte délabrée dans un village lointain. Sa plus jeune fille se prénommait Ra. Ra était aussi belle qu'elle était sage. Elle emmenait paître la mule du fermier dans la forêt dès l'aube et chantait toute la journée aux oiseaux et aux fleurs. Elle ne revenait qu'au coucher du soleil. Un soir, alors qu'elle venait de rentrer et aidait sa mère à préparer une soupe, on frappa à la porte. Je vais y aller. Le paysan ouvrit la porte pour voir qu'un ours se tenait debout devant lui. S'il vous plaît, n'ayez pas peur, monsieur. Je ne vous ferai pas de mal. Qui est-ce, chéri? C'est rien. Que voulez-vous? Je vis dans un château au-delà des trois montagnes. Je me sens seul là-bas. J'ai entendu votre fille chanter dans la forêt. Elle a vraiment la voix d'un ange. Si elle chantait pour moi tous les jours de l'année prochaine, je la payerais si généreusement que vous ne connaîtrez plus jamais la pauvreté et elle aura tout ce qu'elle désire. Comment puis-je confier ma fille à un ours? Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un ours ordinaire. Je vais m'assurer qu'elle soit bien traitée et heureuse. Ah, je dois d'abord lui demander. Attends une seconde. Alors le paysan retourna parler à sa famille. Notre fille n'ira pas avec un ours. Mais maman, il dit qu'il va nous payer grassement. Nous avons tant besoin de cet argent. Nous avons besoin de nouvelles mules, de réparations sur le toit, de nouvelles chaussures et des vêtements pour tout le monde. Mais tu demeureras loin de nous, Ra. Ce n'est que pour un an, maman. En plus, tu ne te souviens pas de la prophétie? Mais ça n'arrivera pas. On ne sait jamais. Mère, père, quelle prophétie? Juste quelque chose qu'un prophète a prédit qu'il arrivera quand tu auras 18 ans. Et tu as eu 18 ans la semaine dernière. De quoi s'agit-il? Lorsque tu auras 18 ans, tu entreprendras un voyage qui fera de toi une reine. Quoi? Non, de toute façon, je ne peux pas laisser ma fille partir avec un ours. Réfléchis. Si cet ours avait été dangereux, il nous aurait attaqués. Père a raison. Je crois que je dois y aller. Ra décida donc de suivre l'ours. L'ours lui demanda de s'asseoir sur son dos et de se tenir à sa fourrure alors qu'il traversait les trois montagnes pour se rendre à son majestueux palais. Voilà. Ce sera votre maison pour l'année qui vient, madame. Et si vous avez besoin de quelque chose, sonnez simplement la cloche d'argent et votre souhait sera exaucé. Mais s'il vous plaît, ne sortez pas dans le jardin après le coucher du soleil. Merci, monsieur ours. Vous devez avoir faim. Voulez-vous un ragoût bien chaud? Oui, j'aimerais beaucoup. Ra mangea de bon appétit et ensuite demanda à se reposer car elle était très fatiguée. Ra sonna la cloche d'argent et immédiatement apparut le lit le plus confortable qui puisse exister, avec des coussins de soie blanche et or. Tous les matins, Ra chantait pour l'ours. Il s'asseyait et parlait tout au long de la journée. Mais l'ours disparaissait juste avant le coucher du soleil et ne lui disait jamais où il allait. Une nuit, Ra ne pouvait pas dormir. Elle sortit se promener dans le palais et elle entendit alors la plus belle musique qui avait jamais existé. Quelque part dans le jardin, près de la fontaine parfumée, quelqu'un jouait du violon. Elle ne pouvait pas voir qui c'était. Elle voulait sortir, mais elle se souvenait que l'ours lui avait demandé de ne pas venir dans le jardin après le coucher du soleil. Alors elle restait là où elle était, hypnotisée par la mélodie. Cela se poursuivit pendant des mois. Ra chantait pour l'ours le jour et la nuit, elle écoutait la musique venant du jardin. Aussi heureuse qu'elle était avec l'ours, sa famille lui manquait terriblement. Et elle devint triste. Un matin... Vos chansons étaient belles, mais elles étaient tristes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelque chose vous tracasse? Ma famille me manque tellement. Cela fait des mois que je ne les ai pas vus. Je peux vous emmener les voir si vous voulez. Vraiment? Certainement. Mais vous devez me promettre que vous ne leur direz pas ce que vous avez vu ici. Je vous le promets. Ainsi, l'ours ramena Ra à la maison de son père, qui n'était plus une hutte délabrée, mais plutôt un grand manoir. Et il n'y avait plus aucun signe de pauvreté dans ce riche ménage. Ce fut une grande joie quand la famille se retrouva. Mère! Père! Ra, mon enfant, enfin je te revois après tout ce temps! Comment vas-tu, mon enfant? Et comment allez-vous, monsieur ours? Je vais bien, monsieur. Je reviendrai demain pour la récupérer. Tu nous as tellement manqué. Et comment est-ce là-bas, Ra? Laisse-la donc manger en paix. Ra, viens dans la cuisine avec moi, s'il te plaît. Et aide-moi à porter le dessert. Tu ne voulais pas la laisser terminer de manger? Finis donc ton plat et puis viens avec moi, Ra. Ra, alors dis-moi, tout va bien pour toi? Y a-t-il quelque chose d'inhabituel qui se passe là-bas? Maman, tout va bien. J'en suis sûre. Tu as l'air bien, mais... Mais n'y aurait-il pas quelque chose d'inhabituel dans le manoir de l'ours? Ra avait une si forte envie de tout raconter à sa mère, sur la musique mystérieuse que quelqu'un jouait tous les soirs, que dans l'impulsion du moment, elle en oublia que l'ours lui avait interdit d'en parler. Finalement, elle lui raconta tout. « Eh bien, maintenant, quand tu retourneras au palais de l'ours, quand tu entendras la musique la nuit, cache-toi derrière la fontaine et reste-y jusqu'au lever du jour. Au moment où il vient y laver son visage, tu verras ainsi son reflet dans l'eau et tu sauras qui c'est. » « Mais mère, l'ours m'a interdit d'aller dans le jardin. » « Eh bien, tu es engagée pour chanter et non pas pour obéir au moindre de ses ordres. Fais ce que je te dis. » Alors la nuit suivante, quand Ra revint au palais de l'ours, elle était fatiguée mais elle resta éveillée en attendant que la musique commence. Puis, sur la pointe des pieds, elle se cacha derrière la fontaine du jardin. Au lever du jour, elle distingua une silhouette qui venait se laver le visage. Et là, dans l'eau, elle vit le plus beau, le plus magnifique visage qu'elle avait jamais vu de sa vie. « Mon Dieu, tu es si beau !»« Oh, vous avez défié ce que je vous avais demandé !» Je suis désolée, mais j'étais tellement curieuse. Si vous aviez attendu un mois de plus, vous auriez pu peut-être me libérer. Mais maintenant, la malédiction ne pourra jamais être brisée. Écoutez, il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire. Je suis comme ça à cause d'une malédiction de la sorcière Elora. Elle veut que j'épouse sa fille parce qu'elle pense que sa fille doit épouser l'homme le plus beau du monde. Quand j'ai refusé, elle m'a jeté ce sort et m'a donné un an pour trouver mon amour. Je vous avais trouvé, Ra, mais vous avez tout gâché. Et maintenant, je dois aller à son palais. Je vous aimais, même quand vous étiez un ours. N'y a-t-il aucun moyen de vous débarrasser de la malédiction? Il y a un moyen, mais c'est impossible. Dites-le-moi et je le ferai. Elora vit dans un château, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Vous devez y arriver dans 7 jours et 7 nuits. C'est le seul moyen. Attendez, où se trouve cet endroit? Mais Ra n'était pas du genre à abandonner. Alors elle marcha pendant 5 jours et 5 nuits dans les forêts les plus profondes, demandant à chaque créature et à chaque oiseau qu'elle rencontrait s'il savait où était le château de la sorcière Elora, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Mais personne ne semblait le savoir. Le 6e jour, elle vit une dame. Vous recherchez le château de la sorcière Elora, Ra? Oui. Savez-vous où cela se trouve? On dit qu'il est à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Je ne sais pas où c'est, mais quelqu'un pourrait vous aider. Je pense que vous devriez aller à la maison du vent du nord. Si quelqu'un le sait, c'est lui. Et si quelqu'un peut vous y amener, il vous le dira. Merci, mais comment puis-je me rendre à la maison du vent du nord? Mon cheval vous y emmènera. Et quand vous y serez, murmurez-lui à l'oreille de rentrer chez lui et il reviendra vers moi. Prenez ça avec vous. Vous pourriez lui trouver une certaine utilité. Je vous remercie beaucoup. La vieille dame siffla et un cheval apparut. Il l'emmena loin, très loin, jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison du vent du Nord. Elle passa 7 jours et 7 nuits pour atteindre le château d'Elora à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Ce fut la 6e nuit. Puis elle raconta tout au vent du Nord. Le château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune? J'y suis allée une fois, mais ce château est si loin. S'il vous plaît, monsieur le vent du Nord, j'ai besoin d'y être demain soir. Il me faut toute mon énergie et beaucoup plus pour y arriver. Je vais devoir passer la nuit à préparer le voyage. Nous partirons à la première lueur de l'aube. En attendant, repose-toi ici. Alors Ra se reposa dans la maison du vent du Nord. Et le lendemain matin, à la première lueur de l'aube, tous deux partirent vers le château, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Ils volèrent toute la journée et une grande partie de la nuit, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin le château d'Elora. Eh bien voilà, c'est là. Je ne peux pas voler un souffle de plus. Tu dois continuer tout seul à partir d'ici. Merci, vent du Nord. Merci beaucoup. Bon, allez, il te reste à peine quelques heures avant l'aube du 8e jour. Ra courut au palais. Elora la vit arriver et fit enfermer le prince dans 7 prisons pour l'éloigner d'elle. Je vois, tu es arrivé ici, mais tu n'as atteint que le château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, et non le prince. Dites-moi où il est. Dans 7 prisons. Si tu peux l'atteindre avant l'aube, nous verrons à propos de la malédiction. Emmenez-moi sur le lieu des prisons et que personne ne soit là. D'accord. Les gardes d'Elora la laissèrent devant les 7 prisons. Au sein de la 7e se trouvait le prince. Quand elle fut seule, Ra prit la clé que la vieille dame lui avait donnée et ouvrit chacune des 7 portes, puis rejoignit le prince. Oh, tu es là? Oui, je vous ai retrouvé. Maintenant, votre malédiction sera brisée. Non, pas encore. Elora doit avoir un autre tour dans sa manche. Voilà, voilà. Tu as réussi à l'atteindre, hein? Eh bien, bel effort. Alors maintenant, le prince est libre de sa malédiction? Tu es dans mon château, dans ma prison, et tu t'attends à ce que je te libère? Il doit épouser ma fille. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. Selon la malédiction, si mon amour m'arrive avant la fin de 7 jours et 7 nuits, je pourrai choisir qui j'épouse. La malédiction dit que si tu es touché par l'amour avant la fin des 7 jours et 7 nuits, tu pourras imposer les conditions que ton épouse devra remplir pour se marier. Or, il n'y a pas de conditions que ma fille ne puisse remplir. Je n'aime pas ta fille. Elle ne sera jamais heureuse avec moi, Elora. L'amour et toutes ces bêtises. Donne-moi tes conditions. Alors, que l'amour soit la condition. Quand 2 personnes s'aiment, leur cœur se déplace en harmonie comme un seul. Et la meilleure façon d'évaluer ça, c'est la musique. Ma fille chante magnifiquement. Condition acceptée. On fit en sorte que le prince eut son violon. La fille d'Elora tenta sans succès de chanter au son du violon. La la, vous et moi pour toujours. Arrêtez, arrêtez ce son misérable. Et puis ce fut au tour de Ra. La la la la la la. Nous sommes faits pour être ensemble. Le prince joua et Ra chanta. Et ensemble, ils créèrent une mélodie si envoûtante que même Elora s'en extasia et tomba sous son charme. Je ne comprends pas. Ma fille chante aussi magnifiquement. Alors, pourquoi ne pouvait-elle pas chanter avec le prince? Parce que nous ne nous aimons pas, mère. Et donc, nos cœurs ne bougent pas en harmonie, alors que Ra et le prince... Qu'ils se marient, mère. Qu'ils se marient, mère. Libérez-le de sa malédiction. Alors, Elora libéra le prince de sa malédiction. Elle et sa fille disparurent à jamais et personne ne sut jamais où. Ra et le prince quittèrent le palais, vécurent pour la vie heureux, ensemble et pour toujours.